Pourquoi c'est toujours, pour moi c'est toujours trop tard pour crier je t'aime. J'ai besoin de croire que tu saignes et moi dans ta blessure je trempe la main et j'imagine ma vie sans toi. Pourquoi je suis toujours, pourquoi je vis toujours, traînant en retard, pudique et moi, trop peur de clamer, c'est toi mon amour. Faut-il alors un accident de parcours? Maintenant pour toujours, maintenant je vais toujours hurler, même si j'ai peur du ridicule, des sarcasmes et ton mépris. Mais là, tant pis, je rate plus ma vie, je le prouve en clown, même si t'en ris. Je ne peux plus jamais, je ne veux plus jamais voir ce filet de sang qui vide ta vie, couler de toi, loin de moi. Je vais tenir ta tête et dire comme une prière, pardonne les silences d'hier.